Le crapaud. Né d'une pierre, il vit sous une pierre et s'y creusera un tombeau. Je le visite fréquemment, et chaque fois que je lève sa pierre, j'ai peur de le retrouver, et peur qu'il n'y soit plus. Il y est. Caché dans ce gîte sec, propre, étroit, bien à lui, il occupe pleinement, gonflé comme une bourse d'avare. Qu'une pluie le fasse sortir, il vient au-devant de moi. Quelques sauts, lourds, il me garde ses yeux rougis. Si le monde injuste le traite en lépreux, je ne crains pas de m'accroupir près de lui et d'approcher du sien mon visage d'homme. Puis, je dompterai un reste de dégoût et je te caresserai de ma main, crapaud. On en avale dans la vie qui font plus mal au cœur. Pourtant, hier, je manquais de tact. Il fermentait et suintait, toutes ses verrues crevées. « Mon pauvre ami, lui dis-je, je ne veux pas te faire de peine, mais Dieu, que tu es laid !» Il ouvrit sa bouche puérile et sans dents, à la laine chaude, et me répondit, avec un léger accent anglais, « Et toi ?»